Samedi 13 octobre, 20h, le multiconcessionnaire de Dolbeau-Mistassini ouvre sa saison locale en recevant la visite des éclairs de Charlevoix au complexe sportif du secteur Dolbeau. Le coût d'admission est seulement de 8 $. Venez voir du hockey de haut niveau, à faible coût, avec des joueurs d'ici. Go Multi, go! On va parler de la NCAA avec notre ami Wallet. Salut Wallet! Salut, ça va bien? Ça va bien. Wallet, tu as du site NCAA, le site leblitznfl.com, la référence du football au Québec. Wallet, si on parlait un peu du côté, on va revenir sur les matchs la semaine passée. Quelle déception, encore une fois! Quel match entre Texas et Oklahoma? Match de fou, ça a fini 48-45, ça a inclus dans les Canadiens de football. Mais et ça a coûté le poste au coordonnateur à la défense Mike Stoops, qui est le cousin de Bob Stoops, que tout le monde connaît. Ouais, ben, fallait un peu s'en attendre. Là. Ça fait environ 3 semaines là, qu'Oklahoma avait des difficultés en défensive. Là, on se rappelait, là, 3 semaines déjà. Il affrontait Army, puis la défensive a passé 45 minutes sur le terrain. Ils n'ont pas été en mesure de faire grand-chose. La semaine dernière, Oklahoma qui affrontait Baylor, puis ils ont accordé 33 points à Baylor. Mm. Puis là, ben, on avait un gros test, contre le Texas. Puis je pense que c'est ça qui avait de la différence dans le match. La défensive de Texas était beaucoup mieux rodée que celle de Oklahoma. Les Sooners ont connu d'excellents moments, surtout au quatrième quart. Là, c'est pas pour rien là, qu'on dit que c'est la meilleure offensive au pays. Là, avec les numéros que Kyler Murray a mis sur le terrain, il a donné une chance à son équipe. Mais au final, c'est Sam Ehlinger qui a connu tout un match. Moi, c'est un corps arrière qui me surprend beaucoup. Oui. J'en avais parlé en début de saison comme un de mes prochains espoirs du collège football. Puis le voir jouer. C'est pas un gars de première année, ça. Ça me rappelait. C'est pas un gars de première année, ça. C'est un gars de l'enfant. C'est un gars de deuxième année. Okay. L'an passé, il était pas partant. Il se partageait le boulot avec un autre corps arrière. Puis là, cette année, il a finalement eu le poste de partant. Donc, sa deuxième année, première année comme partant officiel de l'équipe. Puis moi, il me fait vraiment penser au Tim Tebow des belles années, là, qui a pas peur de courir tête première dans le milieu du terrain, puis qui fait les grosses passes au gros moment. Un gros match pour Texas, puis ils ont encore une fois montré là, que leur défensive est au sommet là, des défensives de cette conférence-là. OK, donc c'est un match vraiment intéressant. Stanford, quelle déception encore une fois. Écoute, beaucoup, il y en a même qui les voyaient à des gros bowls en début de saison. Ils ont perdu contre Utah et ça s'est vraiment déséliminé pour à tout le moins un gros bowl. Ouais, c'est sûr qu'il reste encore gros du football à jouer. Avec 2 victoires, on les verra pas en éliminatoire, là, ça c'est sûr. On peut oublier ça, mais il reste quand même encore des bons bowls. Surtout que Stanford est quand même une équipe reconnue au travers des États-Unis. Donc, les chances de les voir dans un bowl quand même intéressant sont là. Ceci étant dit, là, pour ceux qui espéraient les voir en éliminatoire, là, on va oublier ça pour cette année. Puis je pense que une chose qui me déçoit, c'est vraiment la blessure à Bryce Love. Ça va faire un clou au repêchage, sûrement. Oui. Hein? Ouais, ça, c'est sûr. Puis, tu sais, avant le début de la saison, on se disait, ça va peut-être probablement être le Saquon Barkley de 2018. Ouais. Puis, non. Je serais surpris de le voir sortir dans les 2 premières rondes du repêchage s'il ne se remet pas en santé avant le repêchage. Vraiment une saison désastreuse pour Stanford qui est, comme tu l'as dit, vraiment décevant. Ah, c'est très, très décevant. Bon, les matchs de la semaine maintenant. On va y aller avec les matchs de la semaine. Écoute, j'en ai retenu 2. Georgia contre LSU. LSU qui... Georgia qui sont pas perdu. Par contre, je regardais le calendrier. C'est un calendrier assez facile. Et ils vont affronter LSU qui, eux, c'est une belle surprise en début de saison. Cette saison. Ouais, puis le match, en plus, guette à bâton rouge. Jamais facile de gagner contre les Tigers de LSU à la maison. Ceci étant dit, les LSU ont été un petit peu chanceux parce que le match était supposé d'être joué en soirée, puis aller jouer à Death Valley en soirée, c'est intimidant, c'est difficile. Puis CBC qui ont les droits visuels de ce match-là, ont décidé de mettre le match en après-midi. Donc c'est un peu une tape dans le dos pour Georgia. S'ils ont une chance de remporter ce match-là, ça va peut-être être à cause que le match est pas en soirée. Moi, je pense que ça va être plus serré que qu'est-ce qu'on pense. Je pense que Georgia est favori en ce moment par 1.5 touché. Donc, c'est à 7.5 points. Moi, je m'attends à un match plus serré. Je pense que LSU, après leur défaite la semaine dernière, vont revenir plus fort. Ils ont une excellente défensive. Puis en offensive, ils peuvent compter sur Joe Burrow, un excellent corps arrière, puis Nick Brossett. Du côté de Georgia, on porte attention au corps arrière. De deuxième année, Jake Fromm, un produit de la Georgie, excellent corps arrière. On va parler de lui beaucoup l'an prochain, avant le repêchage de 2020. Je sais que c'est dans longtemps, mais quand même, c'est un gars qui va sortir haut au repêchage s'il continue à exceller comme qu'il fait en ce moment. Washington-Oregon, ça aussi c'est un bon match. Ouais, puis je pense que ce match-là, on peut quasiment le dire que c'est un match éliminatoire parce que les deux équipes ont eu une défaite. Puis le perdant de ce match-là va avoir de la misère à se qualifier là, pour les éliminatoires de fin de saison. Je pense que le match va jouer entre Justin Herbert, le corps arrière d'Oregon, puis la défensive de Washington. Quand tu regardes la défensive de Washington, il y a des talents à chaque position. Ouais. Des gars qu'on va revoir dans la NFL en peu. Donc, si Justin Herbert veut se faire un nom, puis veut se faire valoir aux yeux des dépisteurs de la NFL, s'il connaît un gros match contre la défensive excellente de Washington, il va mettre des gros points de son côté. OK. Dans les matchs également, à 7h30 sur ABC, Wisconsin-Michigan, toujours une belle rivalité dans le Big Ten. Oui, un peu comme Oregon puis Washington, c'est un match que j'appellerais aussi un match éliminatoire. Le perdant de ce match-là va devoir dire bye-bye aux éliminatoires. Moi, je favorise Michigan. Je pense que Wisconsin, ils ont été assez chancelants depuis le début de l'année. Puis Michigan, c'est pas tellement qu'ils sont chancelants, c'est plus le fait qu'ils ont de la misère à mettre des points au tableau en offensive. Mais ça semble vouloir se rétablir. Le Shea Patterson a connu un bon match la semaine dernière avec quasiment 300 verges puis 3 touchés. Moi, je crois aux chances de Michigan de remporter ce match-là. Puis je veux que Michigan gagne ce match-là pour la seule et unique raison que sur leur calendrier, ils ont un gros match de fin de saison contre Ohio State. Oh. J'ai envie de voir ces deux équipes-là se battre pour le championnat, puis que le gagnant se qualifie pratiquement pour les éliminatoires. Donc, gros match, un match sur la route pour Wisconsin. Ça sera pas facile. Je pense que Michigan devrait remporter ce match-là. Wallet, on se reparle la semaine prochaine. Yes, bonne fin de semaine, bon football. Bien.